Chant numéro 4. Lorsque, par un effet des douleurs et des joies, nous nous sentons atteints dans quelque faculté où l'on dirait que l'âme est soudain concentrée, celle-ci n'obéit à nulle autre puissance. Ce qui prouve l'erreur de ceux qui s'imaginent qu'une âme peut, en nous, céder la place à l'autre. Ainsi, lorsqu'on écoute et qu'on voit quelque chose qui retient fortement toute l'attention, le temps s'écoule vite et on ne le sent pas. Le pouvoir de l'entendre étant une autre chose que celui de l'esprit compris comme un entier. L'un se rattache à l'âme et l'autre reste libre. Je fis de tout ceci l'expérience sûre, en écoutant l'esprit et en m'émerveillant, car le soleil fit plus de 50 degrés, et je ne m'aperçus de rien lorsque nous vîmes jusqu'à certains endroits où les ombres en cœur nous crièrent. Voici ce que vous désirez. Souvent le campagnard, lorsque l'automne arrive, mûrissant le raisin, qui prend des tons plus sombres, d'une seule fourchée, emplie de ronces sèches, des trous beaucoup plus grands que le mince sentier par où mon guide et moi nous partîmes tout seuls, car les autres esprits prenaient d'autres chemins. On monte à San Léo, l'on descend à Noli, et de bisannualité, l'on atteint le sommet à pied. Mais c'est ici qu'il convient de voler. J'entends, avec le vol rapide, avec les plumes de mon ardent désir, suivant les pas du guide qui m'ouvrait le chemin, me donnant de l'espoir. Nous montions tout au long des rochers éboulés, dont l'étroite paroi nous pressait de partout, et j'employais les pieds aussi bien que les mains. Arrivé à la fin, sur le replat d'en haut du profond précipice, à l'endroit découvert, « Ô maître, demandai-je, où va-t-on maintenant ?»« Ce sera désormais, dit-il, toujours plus haut. Suis mes pas sur ce mont, jusqu'à ce qu'on rencontre le guide qui saura nous montrer le chemin. » Le sommet est si haut qu'on ne l'aperçoit pas. Sa pente me semblait être plus raide encore que l'angle que décrit la moitié du cadran. Comme j'étais déjà bien fatigué, je dis, « Tourne-toi, mon doux père, et regarde vers moi. Si tu ne m'attends pas, je vais rester tout seul. »« Traîne-toi jusqu'ici, mon fils, » dit-il alors, en me montrant du doigt un palier au-dessus, qui, partant de ce point, faisait le tour du mont. Sa voix était pour moi d'un si doux réconfort que je parvins, grimpant toujours derrière lui, à prendre pied enfin sur la forte ceinture. Et là-haut, tous les deux, nous nous mîmes par terre, tournés vers le levant d'où nous étions venus, car on aime à revoir le chemin déjà fait. J'examinai d'abord le bas de la montagne. Ensuite, je levai mes yeux vers le soleil, étonné de le voir briller à ma main gauche. Le poète vit bien quelle était ma surprise, de regarder comment le char de la lumière s'avançait lentement entre nous et le nord. « Si Castor et Pollux, finit-il par me dire, avaient fait maintenant escorte à ce miroir qui répand sa splendeur ici comme là-bas, tu pourrais contempler le zodiaque en flammes poursuivant son chemin au plus près des deux ours, à moins de le voir prendre un sentier différent. Et si tu veux savoir comment cela se fait, réfléchis un instant. Imagine Sion, ainsi que ce mont-ci, situé sur la terre, en des endroits qui font qu'ils ont deux hémisphères et un seul horizon. Ce qui fait que la route que jadis Phaéton avait si mal suivie se dirige, pour ceux qui regardent d'ici, d'un côté qui s'oppose à celui de là-bas, si ton intelligence a bien su me comprendre. Maître, certainement, me pris-je alors à dire, je n'ai jamais compris avec tant de clarté ce qui semblait avant trop dur à mon esprit. Que le cercle au milieu de la sphère céleste, que les gens du métier appellent équateur, et qui reste toujours entre hiver et été, pour la même raison que tu viens de me dire, est aussi loin d'ici, remontant vers le nord, qu'il était des Hébreux vers la chaleur du sud. Mais je voudrais savoir, si tu le trouves bon, combien on va marcher, puisque ce pic se dresse plus haut que je ne puis élever le regard. » Il répondit alors, « Cette montagne est telle que son flanc est bien dur pour celui qui s'engage, mais plus on la gravit, plus il devient aisé. Lorsqu'il te semblera qu'il est enfin plus doux et que monter là-haut est chose aussi facile qu'à la nef d'avancer par un vent favorable, nous serons arrivés au bout de ce sentier. Là, tu peux espérer de voir finir ta peine. Je ne t'en dis pas plus, c'est tout ce que j'en sais. » Comme il venait de mettre un terme à son discours, près de nous, une voix nous dit « En attendant, tu ferais aussi bien de t'asseoir, tant soit peu. » Nous étant retournés au son de cette voix, nous vîmes un grand roc qui se trouvait à gauche et que je n'avais pas tout d'abord aperçu. Nous fûmes vers ce point et vîmes des esprits qui paraissaient attendre à l'abri du rocher, nonchalamment couchés comme des fainéants. L'un surtout, qui semblait plus qu'un autre accablé, restait assis là-bas, s'embrassant les genoux sur lesquels se cachait son visage penché. « Regarde, doux seigneur, dis-je alors à mon guide, celui-là, qu'on dirait plus paresseux encore que si Dame Indolence était sa propre sœur. » Et ce ne fut qu'alors qu'il daigna regarder, ramenant son visage en biais sur la cuisse, en disant « Va plus haut, toi qui fais le malin. » Lors je le reconnus, et cette grande angoisse qui me pressait encore au creux de la poitrine ne put pas m'empêcher de courir jusqu'à lui. Et quand je l'eus rejoint, à peine s'il leva la tête pour parler. « Comprends-tu maintenant le pourquoi du soleil sur ton épaule gauche ?» Sa même nonchalance et son discours trop bref amenaient sur ma lèvre un début de sourire, et je dis « Bellaqua, je ne suis plus en peine de toi dorénavant, mais pourquoi restes-tu ici précisément ? Attends-tu quelque guide, ou bien as-tu repris tes vieilles habitudes ?»« Frère, à quoi bon, dit-il, monter jusque là-haut, puisque l'oiseau de Dieu qui veille sur l'entrée ne me permettrait pas d'aller chercher les peines. Il me convient d'attendre ici que le ciel tourne autant autour de moi qu'il le fit dans ma vie, car le bon repentir s'était trop fait attendre, à moins de l'obtenir au moyen de prières qui jaillissent d'un cœur visité par la grâce. Des autres, peu me chaud, car le ciel n'en veut pas. » Cependant le poète s'avançait jusqu'à nous et me disait « Viens donc, regarde le soleil à son méridien, et de l'autre côté, la nuit foule déjà sous ses pieds le Maroc. »